En ce vendredi, le top 3 de Richard. Comment ça va, Richard? Ça va tellement bien. Hey, ils sont-ils gentils en Arabie Saoudite? Hein? Ils ont décidé de pas le fouetter encore, Badawi. Ils sont fins, quand même. C'est la charité. Ils sont charitables. Ils sont charitables. Ils ont dit, regarde, ils filent pas. Le gars, il a de la misère à se remettre les 50 coups de fouet qu'il y a eu. Fait qu'on va, on va en prendre soin. Puis quand il va être sur pied, ben là, on va reprendre le fouettage. Tu sais, la flagellation. C'est quand même, c'est des gens de cœur, là. Tu le sens que c'est une patate chaude, pareil. Il y a de la pression d'un bord pour le faire sortir. Mais là, eux autres, s'ils font sortir, le régime perd la face. Tu comprends-tu? C'est une patate chaude, là. Ben oui. Puis ce gars-là, tout ce qu'il a fait, il avait un blog, puis il critiquait la police religieuse. Il y a une police religieuse en Arabie Saoudite qui se promène, puis il y a une femme qui se promène tout seule, puis qui n'est pas accompagnée par un homme, ils vont l'arrêter, des niaiseries pareilles. Lui, il n'a rien dit. Il a pas demandé, là, il n'a pas fomenté une révolte, il n'a rien dit. Il se posait des questions sur la police religieuse. Bing, esprit, on l'enferme. Ça n'a pas de Christie d'allure, cette affaire-là. Non, je le sais. C'est débile. On planche tout de suite avec le top 3. Qu'est-ce que tu retiens de cette semaine au numéro 3? La Jordanie, mon gars. La Jordanie. Eux autres, ils disent, ça va faire, Chris. Ça va faire. Là. Vous avez brûlé un de nos pilotes. Là. C'est terminé, mes maudits. On va aller vous chercher où que vous soyez. Est-ce que tu as vu le message qu'ils ont envoyé aujourd'hui? Ils sont allés bombarder, puis c'est le roi Abdallah, le roi de Jordanie, qui a mis son treillis militaire. Oui, sauter dans la vie. Il a fait puis il a dit, ma gang de fuckers, là, je vais aller vous voir, c'est terminé. Écoute, c'est une gang de méchants malades, là. L'État islamique, j'ai lu là encore dans le Nouvel Observateur, ils crucifient des enfants. Ah, regarde, ils ont enterré vivants, selon un rapport de l'ONU. Regarde, c'est des écœurants. Puis ça, c'est le contraste. Tu dis, le roi qui est habillé en fatigue, là, en armée. Hier, Obama fait un speech. Il dit, ouais, mais les chrétiens, en des années 1100, ils en ont fait de la cochonnerie avec l'Inquisition calvaire. On est au 21e siècle. Ça se peut pas, c'est incroyable. Écoute, ils font passer Charles Manson pour José Lito Michaud, ces gens-là. C'est des fous furieux. Bien choisi. Les Jordaniens, ils ont dit aujourd'hui, ils ont dit, on va vous éradiquer. Vous éradiquer, on va vous enlever de la surface de la planète. Où que vous soyez, dans n'importe quel pays, un par un, on va aller vous chercher. Puis là, ils ont bombardé, puis c'est ça qui s'apprend. Pendant ça, on a Justin Trudeau, ici, qui dit, on devrait leur envoyer de l'aide militaire, ben oui. Des petits gâteaux comme ça aux gens qui sont là, tu sais. Verrais-tu ça, toi, à l'époque, je sais pas, 1940, les nazis sont en train de mettre l'Europe à feu et à sang. Nous autres, on est débarqués, on a fait le débarquement. Non, Justin, il s'est arrêté. De l'aide alimentaire. C'est ça, les militaires auraient débarqué avec des boîtes à lunch en Normandie. Ben, c'est ça, des petites marionnettes pour les enfants juifs d'un camp de concentration, tu sais, pour, je sais pas, qui puissent sourire un peu dans la journée. Ça, c'est l'Occident. On parle. À un moment donné, là, c'est fini. Devant des gens comme ça, là, les droits de l'homme, puis le respect des lois, puis tout ça, tout saute. Ça tient plus, là. Non, c'est et là, on le sait, là. Richard. On le sait ce qui arrive. Il n'y a aucune excuse. On ne pourra jamais dire, ouais, mais on le savait pas, c'était pas clair. On le sait, écoute, on est témoin. Rapport après rapport, puis là, on jase, on veut négocier avec ces gens-là. Il n'y a rien à négocier. C'est des fous furieux. Mais il faut rien qu'envoyer. Hey, écoute, là, si on s'y mettait, là, on est en train, là, Harper, il a envoyé des troupes au sol, puis là, c'est épouvantable. On envoie des troupes au sol, puis c'est pas ça qu'on s'était pas entendu là-dessus. Puis là, l'NPD, là, ça broye, puis tout ça. Hé, hey, tabouère, là. Moi, ce qui me révolte le plus, c'est Obama. Moi, c'est Obama qui me révolte le plus là-dedans. Puis je suis même pas américain, mais hier, j'étais en calvaire quand j'ai entendu ça. La réaction d'Obama, qui dit, non, c'est du radicalisme, c'est pas du radicalisme religieux. Ben là, oui. Les talibans, c'est des insurgés. Ouais, mais là, Jésus, dans le temps, les chrétiens aussi faisaient ça. En discours, Obama, moi, ça me révolte. Il y a un temps pour parler, puis à un moment donné, il y a un temps pour faire ton Clint Eastwood. Tu sens ton Magnum 357, là. Écoute, c'est ce que fait la Jordanie, là. Ils ont dit, ça va faire. Mais la gang... Votre petite danse de bacon, là, vous êtes combien, là? Vous êtes 50 000, puis vous mettez la planète à genoux, là. Vous êtes en train de nous écœurer depuis longtemps. Ton enfant fait une danse de bacon en plein supermarché, là, puis t'es en train de jaser avec, là. Non, tu le pognes par le bras, puis tu dis, ah ouais, dans le champ. C'est ça qu'ils ont dit. Fini, terminé. Mais la gang qui sert à rien, voyons comment... L'OTAN, là, ils font quoi, eux autres? Qu'est-ce qui se passe, là? Pas de rien. Je sais pas ce qu'ils font. font, exactement. Mais je pense que ça prenait, puis c'est le fun que ce soit les Jordaniens, c'est-à-dire que ce soit des Arabes eux-mêmes qui disent, nous autres, on était cœurés. C'est une dictature directe en bac dans le tas. Ah ouais, eux autres, ils n'en ont rien à foutre, là. Des commentaires de la communauté internationale. Ah ouais, ils ont tué un pilote, c'est terminé. Tu sais, j'aurais aimé ça que les Japonais agissent comme ça aussi. Imagine si l'armée japonaise, là. Parce qu'il faut qu'ils amendent la Constitution. Faut qu'ils amendent la Constitution. C'est parce que là, ils sont pas une camisole de force. Constitution imposée par les Américains avec la démilitarisation. C'est ça. S'ils peuvent avoir une Constitution dans le sens du monde, les Japonais frustrés. Mais où est Poutine aussi, qui est supposément contre le radicalisme musulman? Occupé en Ukraine, par exemple. Tu as raison, c'est Obama qui est le pire. C'est Obama. Ces gens-là nous rient d'en face, nous terrorisent, font des actes là, épouvantables, des affaires affreuses. Ils utilisent des enfants comme esclaves sexuels. Ils disent, il n'y a rien qu'ils font pas. C'est dégueulasse. À un moment donné, il va falloir, tu sais, arrêter de parler, arrêter de jaser, arrêter là avec, oui, mais il faut respecter les droits de l'homme, puis certaines minutes, là. C'est, ça n'a pas de sens. Moi, je suis bravo pour les Jordaniens. Puis, on le sent qu'avant d'aller au numéro 2, on le sent qu'il y a comme le carcan de la rectitude autour de la Maison-Blanche. On veut pas parler d'islam radical, l'islamophobie, ça commence à circuler, cette expression-là également, sur certains campus, dont entre autres en Californie, sur un campus d'université, on a ordonné une prière en public là cette semaine. Ça marche en plus, ils leur font peur, vous êtes des méchants racistes, puis là c'est l'Occident là, qui veut pas défendre ses valeurs, l'Occident qui est à genoux, qui a honte d'elle-même, qui a honte de ses propres valeurs, puis que il ose même pas dire le mot « islam », »,« tabouère », c'est ça, ce problème. Puis même, à la limite, là, ces gens-là étaient islamiques, c'est au-delà, ils sont fous furieux. Ah, là, c'est l'État satanique, là, c'est autre chose. C'est ça, c'est un État satanique, effectivement. Et la Jordanie, là, de voir le roi lui-même mettre son treillis militaire puis diriger lui-même les bombardements en disant « on va y aller », ça fait. Moi, je trouve ça, c'est une leçon pour les démocraties. Comme tu dis, on est dans une camisole de force avec notre attitude politique, puis toutes les lois qu'on s'est mis, puis les chartes, puis le respect de ci, puis le respect de ça. Hey, wow. On y va avec le numéro 2.